France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une mauvaise blague de supporter de foot qui vient heurter l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Le 29 mars 2008, à la mi-temps de la finale de la Coupe de la Ligue opposant le PSG au Racing Club de Lens, des supporters parisiens déploient une banderole estampillée « Pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les ch'tis ». Des insultes qui associent les marques d'une présumée dégénérescence à une réalité économique, le chômage. En pleine ch'timania, qui enflamme alors la France dans le sillage du succès improbable du film de Danny Boone, les Parisiens viennent frapper là où il ne faut pas. L'affaire réveille le monde politique, remontant jusqu'au président de la République. Parce que, derrière le supporter lensois, derrière le ch'ti, c'est toute la France populaire qui est insultée. Et la bêtise de ces supporters parisiens ne vient pas de nulle part. Elle repose sur 50 ans de clichés sur les gens du Nord, dont l'image n'a cessé d'être dégradée, diabolisée. Eux, les gens du Nord, qui doivent déjà supporter le choc d'une industrie démantelée qui a laissé tant de travailleurs sur le carreau. Notre invité aujourd'hui, Germain Martel, président historique du RC Lens, le Racing Club de Lens, qui publie ses mémoires intitulées « Il n'y a rien qui va mal » aux éditions En Exergue. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Coom. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mars 2008, nous sommes une semaine avant la finale de la Coupe de la Ligue qui doit opposer le PSG au Racing Club de Lens. Dans un bar parisien, une idée germe dans l'esprit de deux supporters du PSG du groupe Boulogne Boys. Il faut dire qu'ils n'ont pas à les chercher bien loin. C'est pas compliqué de parler de ch'timie. On dit pas « pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». On dit « hein ». Oh non, cherchez le 1 de 1, 2, 3. Ouais, parce qu'il faut que je sorte de l'eau, là. Ah, d'accord. Ça y est, on parle de ch'timie. Oh putain. Ah non, on dit pas putain comme chez vous. Chez nous, on dit va de juice. Va de juice, hein. Bravo, Milote. Sur tous les murs de la capitale, le visage bonhomme de Danny Boone souhaite la bienvenue chez les ch'tis. Son film, sorti quelques semaines auparavant, attire des millions de téléspectateurs et de spectateurs. La France n'en a que pour ses ch'tis. Du moins, la peinture à gros traits qui en est faite dans le film. On s'amuse de leur drôle d'accent, on s'émeut de leur chaleur humaine, le charisme de l'excellent Danny Boone faisant le reste. Alors que les supporters lensois, autoproclamés meilleur public de France, sont attendus dans la capitale pour défendre leurs couleurs sang et or, l'occasion est trop belle pour les ultra-parisiens de marquer le coup. Pas question de chanter « Germinal, Germinal » comme ils en ont l'habitude au moment d'affronter les Lensois. Non, il faut frapper plus fort. Punir cet excès de notoriété, c'est un vraisemblable code de sympathie acquise par les gens du Nord. L'objet du crime, une banderole longue de 25 mètres. Elle est soigneusement découpée en 5 morceaux afin de l'introduire discrètement dans l'enceinte du stade. À la mi-temps, l'estocade est portée. Trois vilains mots inscrits à la peinture noire sont déployés à la face des 10 000 supporters lensois et même du président Sarkozy, présent en tribune. Trois mots qui frappent en plein cœur, plus encore que ce pénalty volé en toute fin de match qui offre la victoire aux Parisiens. À la fin de la rencontre, il n'est donc question que de la banderole et de ces trois mots « chômeur, consanguin, pédophile ». À l'époque, on ne disait pas « pédocriminel », le terme juste. Alors le président du Racing Club de Lens, Gervais Martel, monte au créneau, bientôt suivi par tous les officiels du monde du sport, à commencer par Frédéric Thérier, le président de la Ligue de football. C'est un crime, hein, parce que les paroles et les écrits, ça reste. Et marquer ces trois mots par rapport aux gens de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est dégueulasse, parce que c'est une région qui est d'abord... correspond pas du tout à ça, c'est une région qui a apporté beaucoup à la France, il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur vie dans les mines. Je veux m'adresser enfin et surtout au public lensois et à nos amis de la région Nord-Pas-de-Calais. Vous avez le cœur gros aujourd'hui, moi aussi. Aujourd'hui, nous sommes tous des ch'tis. Quelques mois plus tard, lors de leur procès, les auteurs de la banderole diront « Allez, on voulait faire de l'humour, du Coluche, du Desproges. » cas, on a failli mettre alcoolique. Bon, mais c'était banal. Croit-il utile d'ajouter. Chômage, alcoolisme, consanguinité, pédophilie, le glissement vers une diabolisation des populations précaires est un processus assez banal, en fait. Et depuis les années 70, depuis que s'enchaînent les crises économiques et les remèdes néolibéraux. Chez les voisins anglais, où le monde ouvrier est aussi en pleine déliquescence, on observe le phénomène médiatique des chavs, des anciens bassins industriels du nord de l'Angleterre, durement stigmatisés eux aussi par les tabloïds des classes moyennes, qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ceux de feu la classe ouvrière. Pour eux aussi, c'est la double peine. Non seulement chômeurs, les voici aussi grimés en beaufs, incestueux, dépravés et criminels. En France, l'image du ch'ti est-elle aussi accolée aux pires maux depuis que la région est devenue le théâtre de faits divers aussi sordides que médiatisés? On vous a tous raconté dans Affaires Sensibles. D'abord en 75, l'affaire de Bruay-en-Artois, puis celle des frères Jourdain, l'affaire Outreau, et plus récemment l'affaire du voleur de la Sambre. À chaque fois, la misère s'inscrit en toile de fond. Les ruines industrielles, les brumes des plaines du Nord offrent un cadre idéal pour déployer un polar qui passionne les foules. Les supporters du PSG pensaient amuser en reprenant des clichés largement partagés. À vrai dire, l'humour violent sur fond de joute sociale est un classique dans les stades de foot. Mais en 2008, l'heure n'est pas au second degré. Les élus du Nord s'insurgent, les politiques de tous bords s'engouffrent dans la brèche et les ministres tapent du poing. Les cinq coupables sont retrouvés et jugés. Le procureur requiert de la prison avec sursis pour cette provocation à la haine et à la violence, tandis que le groupe de supporters des Boulogne Boys est dissous dans les mois qui suivent. Comme pour réparer l'affront, un cortège de Lensois, le président Martel en tête, est reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Quelques jours après le match, lors d'une grande soirée organisée par le Conseil général de Lille pour fêter le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Moon, lui aussi, est tenu de réagir à l'affaire de la banderole. À ses côtés, le conseiller régional Didier Percheron monte dans les tours. Mon film a servi de véhicule à la haine. Quoi. C'est évidemment très difficile à vivre. C'est une banderole ignoble. On ne peut pas faire pire. C'est une banderole des années 35, 36, 37 en Allemagne. C'est une banderole de liquidation. C'est une banderole qui appelle à la Shoah. Les mots sont forts, trop peut-être. Mais il révèle la sensibilité ambiante autour du thème de la promotion du Nord. Tout le monde n'a pas goûté à la caricature qui est faite des nordistes dans la comédie des Ch'tis, un film soutenu à hauteur de 600 000 euros par le conseil régional. Pourtant, que de bienveillance dans le film de Danny Boone, enfant de la région. Mais bon, c'est une affaire sensible par excellence. Certaines voix dissidentes s'élèvent pour fustiger l'image passéiste qui transparaît dans le long métrage. C'est un peu affreux, sale et gentil. Ils parlent tous un patois désuet, cultivent un penchant pour la bouteille et vont célébrer la mémoire de la mine en chantant les corons à la mi-temps des matchs du RC Lens. Le romancier Michel Quin, qui a grandi dans le bassin minier, s'inquiète dans le Nouvel Obs. Nous, gens du Nord, savons de quoi nous rions. Les autres, confortés dans leurs préjugés, vont au moins nous plaindre, peut-être nous mépriser. Dans Le Monde, le politologue Philippe Marlière enfonce le clou. La banderole des supporters du PSG était injurieuse, mais elle n'a fait que paraphraser, de manière ironique, le message que véhicule implicitement le film de Danny Boone. Football et cinéma, les deux spectacles les plus populaires de France ont depuis toujours raconté le Nord, les espoirs et les tragédies de ce peuple de la nuit, principale victime des restructurations industrielles décidées à la fin des années 60, et pérennisé par les présidents qui vont succéder au général de Gaulle. Alors, pour comprendre ce qui se noue en ce printemps 2008, il faut effectivement remonter en 1968, quand tout a commencé à s'effondrer. Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'inquiète fois 800-900 bonhommes, tandis que vous avez des usines qui emploient 60-70 bonhommes, et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants. Mais j'ai Macho, il vient de partir à l'armée. Quand il va rentrer, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Et qui c'est qui est responsable et tout ça? C'est bien de fermer les fosses, mais on aurait dû prévenir du boulot pour ces jeunes. On aurait dû implanter des usines tout partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai qu'au rat de 16 ans, il va à l'école. Quand il est joli, il va avoir l'âge de travailler. Il n'y a rien pour lui. C'est un assassin. Il bourritait tout. Il sabotait tout. Parole de mineur. Au printemps 68, comme l'enregistrent les reporters de 5 colonnes à la une, le vent d'espoir qui souffle sur le pays n'atteint pas le nord. Non, ici, les regards sont inquiets. De fait, le principal employeur de la région depuis le milieu du 19e siècle, l'industrie d'extraction du charbon, est en grande difficulté. En 1963, lors de la dernière grande grève des mineurs, ils étaient encore près de 200 000 dans le nord à travailler au fond ou à la surface des fosses. 5 ans plus tard, ils ne sont plus que 72 000. La mine a bel et bien amorcé son déclin inéluctable. Le 10 décembre 1968, le gouvernement annonce la sentence pour le charbon français. D'ici 1973, la production sera réduite de 3 millions de tonnes. Les fermetures de puits vont s'enchaîner, les effectifs se réduire encore de moitié. Et comme un symbole, le club de foot géré par les Houillères du Nord, Pas-de-Calais, le Racing Club de Lens, descend cette année-là en seconde division. Pire, l'année suivante, les Houillères cessent de le financer et l'équipe professionnelle est dissoute. Le stade Félix Bollaert, construit dans les années 30 par l'ancienne compagnie des mines de Lens, sonne désespérément creux. Le club des Gueules Noires, dont l'histoire est intimement mêlée à celle de la mono-industrie de la région, semble condamné à disparaître avec les autres vestiges de la mine. Mais c'était sans compter sur l'ambition d'un homme, André Delelis, maire socialiste de Lens depuis 1966. Pour un franc symbolique, la ville rachète le stade et le club entame une mue, comme l'explique au magazine des mineurs son nouveau président René Houdard, un ingénieur des mines encore ici des Houillères. Cette année, le Racing Club de Lens en revient à une éthique sportive qu'il veut plus large, plus populaire, plus humaine aussi. Il essaye d'être tout d'abord une école extrêmement large, une école du jeudi tout d'abord, une école de l'effort aussi, à la recherche de bases solides qui lui permettront d'atteindre la destinée qu'il espère, à laquelle, quoi qu'on en dise, il n'a pas renoncé. À la recherche de ces bases solides, il a trouvé des racines sociologiques dans l'immense réservoir des cités minières qui entourent le stade Bollaert. Ainsi, le Racing Club de Lens doit-il renouer avec le football amateur au milieu d'un paysage en mutation? Les puits lensois ferment les uns après les autres. Les chevalements de mines sont abattus et les cités ouvrières désertées. À côté, des cités HLM sortent de terre, prêtes à accueillir de nouveaux types de travailleurs. Mais en disparaissant, la mine laisse un immense vide. Parce que au-delà du travail, c'est la sociabilité et la solidarité ouvrière, soit les ferments de la société nordiste, qui menacent d'éclater en morceaux. Comme le démontre Marion Fontaine dans l'essai qu'elle a consacré à l'histoire du Racing Club de Lens, c'est pour tenter de remplir ce vide que la mairie socialiste s'engage dans l'aventure du sauvetage du club. Et avec quel entrain ? Accompagné du nouvel entraîneur du club, Arnold Sowenski, mineur franco-polonais et gardien de l'équipe dans les années 50, le maire, André Delelis, entame une collecte de fonds dans tous les cafés du coin. Tous les riverains et les entreprises sont invités à contribuer à la relance de l'équipe professionnelle. Ainsi, le Racing Club de Lens renaît de ses cendres. Et en 3 ans, l'équipe remonte en première division. Le club s'adapte aux usages du football moderne qui émergent dans les années 70. Transfert de joueurs, sponsoring, merchandising, jusqu'à la composition de l'équipe, le maire de Lelis se mêle de tout. Et le RC Lens devient le principal vaisseau de son projet politique. La perle noire de l'Artois est morte, vive la ville la plus sportive de France. Comme un symbole, sur le blason du RC Lens, où trône l'historique lampe de mineur, on y ajoute les armoiries de la ville. Mais si la mairie cherche à se défaire de l'image mortifère des Houillères, le RC Lens sert bien à cristalliser toute la nostalgie de ce monde ouvrier en célébrant ses valeurs. Force, solidarité, combativité. C'est une vraie équipe de Gueules Noires qui vient ainsi défier les grands du championnat. Nombre de joueurs sont d'ailleurs recrutés en Pologne, rappelant l'importance de l'immigration au sein des mines au début du XXe siècle. Selon l'historienne Marion Fontaine, il faut peut-être y voir une volonté de célébrer le souvenir un peu fantasmé de la société minière au temps de l'apogée du charbon. L'immigration maghrébine, venue récemment dans la région pour fermer les mines, est d'ailleurs beaucoup moins représentée dans l'équipe. En 1973, à la sortie du puits, les derniers mineurs du Nord peuvent signifier tout leur attachement à leur équipe Fagnon. Moi, j'aime bien l'équipe de l'Or cette année, par rapport encore plus encore qu'aux autres années, parce qu'il y a un esprit d'équipe cette année qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ça marche, hein. Et je crois que c'est de là que viennent tous les bons résultats de l'Or l'année dernière et cette année. Pour des jeunes qui montent de deuxième division, je crois qu'ils se défendent bien, hein. Et sur le plan du style, de la combativité. Ouais. Là, c'est surtout le courage. Hein. Ouais. Surtout le courage. Il n'y a pas de signalage. On joue au football. On ne cherche pas à faire de dentelle. On essaie de jouer au football. J'estime qu'à Lens, on est revenu autour du football. Mais... Le football, le vrai. Le Racing Club de Lens ne séduit pas que les mineurs du coin. Non, en juin 1975, à l'issue d'une superbe épopée en Coupe de France, le club fait une irruption inoubliable sur le petit écran français. Après avoir battu à plate couture le PSG et leur précieux et feutré maillot signé Daniel Echter, c'est contre les Verts de Saint-Étienne que les Lensois, vêtus de sang et or, s'avancent en finale. Eh oui, l'apparition de la couleur à la télé a transformé le spectacle footballistique. Fini le public propre et endimanché des tribunes filmées en noir et blanc. Dans les années 70, les stades s'illuminent de mille couleurs, celles des blasons des villes et du spectacle bigarré des fans en liesse. Ainsi, ce soir de juin 75, malgré la victoire du Grand Saint-Étienne, intouchable à l'époque, et une reprise de volée somptueuse de Jean-Michel Larquet, toute la France découvre cette sympathique et flamboyante équipe des gueules noires, le Racing Club de Lens, dans sa belle tenue short rouge, maillot jaune, sang et or. J'allais au clair de lune, au gré de la fortune, porté par tous les vents de l'univers. Comme un lampion de fête, au-dessus de ma tête, j'ai vu danser un point de lumière. Comme on chante, tu marches comme on danse, et tu me portes chance à chaque instant. Et me voilà roi mage, au début d'un voyage qui ne finira qu'à la fin des temps. Oh, oh, oh, ma bonne étoile, je dors à la belle étoile au cœur de l'hiver, et c'est toi qui me réchauffe, c'est toi qui m'éclaire. Aujourd'hui, la banderole anti-ch'ti des supporters du PSG. France Inter, affaires sensibles. Au croisement des années 70 et 80, le Racing Club de Lens se maintient en première division, s'offrant même quelques beaux exploits en Coupe d'Europe. Comment oublier ce soir de 1977, par exemple, quand il ridiculise les Italiens de la Lazio de Rome 6 buts à 0. avec leur bonhomie et leur accent chatoyant, c'est une nouvelle image du ch'ti qu'impose alors le supporter lensois à la télé. Qu'est-ce qu'on va dire, écoutez, il y a bien une maison. Alors oui, alors est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes content? Ah bah sûrement qu'on est content, hein. Alors qu'est-ce que vous espérez de mieux? La Coupe de France, la Coupe d'Europe. Ah bon, ouais, la caméra là. Et Lille a compté battu aujourd'hui, alors. Allez là. Pendant quelques mois, il bricole, il rend des services, mais l'inactivité lui pèse de plus en plus et aussi ce mot « fainéant » qui trotte dans sa tête. Un matin de novembre, devant sa maison, Gaston Bourgois s'arrose d'essence et se suicide. En face, dans les HLM, habitent les aînés de la famille. Est-ce qu'à votre avis, on peut seulement accuser le chômage ou est-ce que ça a été aussi le révélateur de difficultés personnelles? Non, parce que des difficultés personnelles, il en a déjà eu et il a su les surmonter. Hein. Moi, je sais bien, il y a une dizaine d'années, même avant, il y a eu des problèmes. Mais il y avait son travail pour changer les idées et il avait quand même son salaire. S'il avait encore eu son travail, il serait encore là. Ça, c'est certain. Dans ce documentaire tourné en 1984 pour France 3, Patrick Penaud, par questionner la solitude des chômeurs du Nord, comme s'intitule son film, à une époque où le phénomène est encore émergent. Le chômage. Dans les années 80, ne pas travailler tient encore de l'anomalie. Et celui qui s'y confronte plonge irrémédiablement dans la plus sévère précarité. Le RMI, revenu minimum d'insertion, ne sera instauré qu'en 1988, après d'interminables débats sur sa moralité. D'une manière générale, la décennie 80 est terrible pour le Nord-Pas-de-Calais. Ses paysages gris se muent en une carte postale éloquente pour illustrer l'irruption de ce chômage de masse et le retour d'une pauvreté que les Trente Glorieuses pourtant avaient fait reculer. Autour du bassin minier, c'est l'industrie du textile, de la céramique et de la sidérurgie qui s'effondre tour à tour. Près de 200 000 emplois disparaissent en moins de 20 ans. À Lens, en 83, quand le président Mitterrand vient promettre une relance économique, le chômage concerne déjà 13% de la population, bien au-dessus de la moyenne nationale. Devant le parvis de la mairie socialiste, pourtant tout acquis à sa cause, le chef de l'État est accueilli avec inquiétude. « Du charbon français, François, supplie-t-on. François, du boulot, entend-on encore. » Alors, le discours du président de la République est très attendu, après les promesses de 1981 pour un renouveau du charbon français. Ce que je veux, c'est le redressement, ce n'est pas la rigueur. Mais si la rigueur est nécessaire au redressement, alors, oui, c'est la rigueur. Mais cela ne doit pas être au détriment continu de ceux qui, depuis, allais-je dire dans une image peut-être un peu trop générale, ceux qui, depuis 150 ans, fournissent l'essentiel de l'effort et reçoivent le minimum de profit. Nous voudrions pouvoir faire plus pour les plus démunis, pour ceux qui ont tout juste assez ou qui n'ont pas assez. Mais nous sommes tenus par une situation dont vous connaissez parfaitement le contenu. Et si nous voulons redresser la situation, le redressement national, il faut passer par cette phase qui supporte ou qui suppose des disciplines dures. En vérité, François Mitterrand vient annoncer son fameux tournant de la rigueur. Devant les 20 000 mineurs restant dans le Nord, il fait tomber le masque. Oui, c'est bien la gauche qui sera le fossoyeur des corporations ouvrières en France. Parce que, pense-t-on, l'industrie c'est fini, place au service. Telle est la doxa de l'époque, qui aboutira très vite à l'affaissement du Made in France, au profit de la Chine qui ramasse la mise, et nous voilà le bec dans l'eau. Au même moment, en 82, commence à tourner en boucle à la radio le premier grand succès d'un chanteur parisien aux racines nordistes, Pierre Bachelet. C'était les corons, les mineurs de fond. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. En 1993, bien avant les supporters lensois, ce sont les figurants sur le tournage de Germinal de Claude Berry qui chantent en chœur le refrain de Bachelet avec le chanteur vedette Renaud, ce fils de bourgeois à la sensibilité ouvrière sincère. Le dernier puits des Mines du Nord a fermé 3 ans plus tôt. Depuis, le cinéma français aura dépensé 2 fois son plus gros budget de l'histoire pour rejouer la glorieuse histoire des Gueules Noires. Une coïncidence? Peut-être pas, au vu de l'enjeu mémoriel et symbolique que pose la disparition des mines pour le pouvoir socialiste. La première fois, en 1991, c'était 100 millions de francs pour produire le film Le Brasier d'Éric Barbier, un four au box-office. 2 ans plus tard, la promotion de Germinal, 160 millions de francs de budget, ne laisse rien au hasard. À l'occasion de la première, le président himself, François Mitterrand, se rend à Lille à bord du TGV flambant neuf, entouré de nombreuses vedettes du 7e art. Tous en ont conscience. Le film doit sauver l'industrie culturelle française face à la concurrence hollywoodienne, ni plus ni moins. Pour convaincre, toujours, la communication autour du film ne cesse de promouvoir la magnifique histoire des 200 anciens mineurs, fils ou petits-fils de mineurs, mais surtout chômeurs, qui ont eu la chance d'être embauchés comme figurants. Dans le Germinal de Claude Berry, les visages grimés en mineurs du 19e siècle masquent des vies brisées par la crise de cette fin de 20e. Et irrémédiablement, c'est la misère des gens du Nord qui ressurgit dans les nombreux reportages consacrés au tournage du film. René et Jacques se sont rencontrés sur le tournage. Ils ont un point commun, l'ANPE, où ils pointent depuis 4 ans. Jacques n'a plus de voiture, alors René leur accompagne le soir. Et ils parlent des difficultés, des 2700 francs mensuels d'allocation familiale, du RMI supprimé depuis peu, depuis qu'il tourne Germinal, une dizaine de jours par mois, à 200 francs la journée. 200 francs par jour, comme vous dites, c'est pas beaucoup. Mais comme une famille comme nous, par exemple, ça fait quand même du bien. Vous avez déjà pensé au jour où ça va s'arrêter, le tournage? Moi, je préfère pas y penser. Je prends beaucoup de cachets pour les nerfs. Si je commence à penser à ça, je crois que ça serait la vraie catastrophe aussi. Là. La belle histoire des figurants de Germinal a tout du merchandising de mauvais goût. Dans les cahiers du cinéma, André Scala s'insurge contre le misérabilisme du film. De quels pauvres s'agit-il? Des RMistes du Valenciennois payés 200 francs? De ceux chez qui on exploitait la fierté d'un passé, écrit le journaliste. De fait, le blockbuster à la française Germinal ne plaît pas à tout le monde. En creux, c'est l'image du Nord qui se joue sournoisement coincée entre la nécessité de se projeter dans la modernité et ce passé qui ne passe pas, et dont on ne cesse de faire la promotion. Au JTTF1 d'ailleurs, un promoteur lillois s'insurge. Le Germinal tombe mal parce qu'on va nous ressortir les clichés traditionnels des pavés mouillés, du ciel gris et de la misère, alors que moi je préfère vendre le 21e siècle, c'est-à-dire la high-tech, le fait que nous ayons ici 15 écoles d'ingénieurs, 100 000 étudiants dans 4 universités. Depuis l'époque de Germinal, le Nord a effectivement beaucoup changé. Le charbon n'est plus qu'un souvenir, même si les paysages restent marqués par son exploitation. Le Nord, jeune et conquérant, qui pointe, ce sont des hommes de la trempe de Gervais Martel qui l'incarnent. Formé dans les rangs de la plus grande réussite entrepreneuriale de la région nordiste, Auchan, ce fils d'ingénieur des mines s'est vu confier la mission de sa vie par le vieux maire socialiste de Lens, André Delelis. À 33 ans, le voilà propulsé président du Racing Club de Lens, alors que l'équipe est retombée en seconde division en 1988. Gervais Martel, comme Delelis dans les années 70, mobilise tous les entrepreneurs de la région. Plus que jamais, le club doit survivre. Car cette chute sportive accompagne la sinistrose qui s'est emparée de tout l'ancien bassin minier. De Lens à Valenciennes, en passant par Douai et Béthune, les jours heureux promis par François Mitterrand ne sont pas venus. Les houillères ont disparu et avec elles tout un système paternaliste d'assistance aux populations ouvrières. De nombreuses familles se retrouvent démunies face aux enjeux de santé et de scolarisation. Le taux de chômage atteint 27% pour les jeunes de moins de 25 ans. Tandis qu'une étude de l'Observatoire de la Santé, mandatée en 1996, révèle l'ampleur de la crise sanitaire. Dans le bassin minier, on meurt plus et plus jeune qu'ailleurs. En cause, la silicose, l'alcool, un fort taux de suicide et surtout un manque de services et de soins. Le même rapport conclut en s'insurgeant. Les habitants de ce territoire ont à la fois besoin d'être traités comme n'importe quel citoyen français mais aussi d'avoir accès à tout ce qu'un citoyen français peut espérer trouver à sa disposition. En soi, ce territoire n'est pas pathogène. À Lens, la population est engagée dans une lente et inévitable chute. Alors qu'ils étaient 42 000 habitants à la fin de l'époque des Houillères, les Lensois ne sont plus que 35 000 au début des années 90, pour un peu plus de 31 000 aujourd'hui. 35% de la population s'est évaporée. C'est ça, la réalité de récession. C'est ça, un pays qui se meurt. Alors, c'est comme si, seul, le RC Lens avait le pouvoir de fédérer, de rendre un peu de fierté à cette population en proie à tous les maux. Le 15 février 92, Lens est enfin remonté en première division et le Grand Olympique de Marseille se présente à Bollard. Plus de 48 000 personnes viennent assister à la victoire des 100 et or. Un record d'affluence et le début d'une nouvelle apogée pour le club nordiste. Sur le terrain, les héros du match s'appellent Roger Bolli, le frère de Basile, et Jimmy Adjovi-Boko, véritable idole du stade. Ce dernier témoigne sur son histoire d'amour avec le public lensois dans le documentaire de Richard Berthollet, Du fond à la lumière. On sait qu'on apporte beaucoup de bonheur aux supporters qui en ont besoin, même s'ils sont au chômage, même s'ils n'ont pas de moyens. Le Racing Club de Lens, c'est leur moyen de rêver, donc je crois qu'on n'a pas le droit de tuer le rêve, on n'a pas le droit d'empêcher les gens de rêver, et pour certains, c'est le seul moyen qu'ils aient de prendre du plaisir. Je pense que la comparaison que pouvaient faire les supporters entre cette équipe et les équipes de mineurs qui allaient au Charbon, je crois qu'elle était réelle. C'est dans une célébration constante du mythe minier que le Racing Club de Lens poursuit alors sa route. Il ne s'agit plus, à travers l'amour du club, de dépasser l'emprise des houillères, mais bien de célébrer son passé glorifié. Quitte à tordre un peu son histoire. Certes, le club est né en 1906, la même année que la catastrophe de Courrières. Mais non, le rouge du short n'a jamais été celui du sang des mineurs, mais bien celui du drapeau espagnol, en souvenir du règne de Charles Quint. Peu importe, en mai 98, quand approche le dénouement du championnat de France et qu'un improbable duo Lens-Metz se dispute le titre de champion, Lens est bien identifié comme le champion des classes populaires. Le soir du 9 mai, alors que l'équipe se déplace à Auxerre pour la dernière journée, l'ancien bassin minier a revêtu ses habits de lumière. D'ailleurs, on vient de partout pour se mêler aux locaux et rêver d'un premier titre de champion de France. Il ne faut à Lens qu'un tout petit point, un match nul pour devancer de justesse le FC Metz. Mené jusqu'à la 60e minute, le Racing Club trouve enfin la faille, et de quelle manière ? Un extérieur du pied sublime transperce la défense lorraine, une passe décisive de grande classe du milieu Frédéric Déhu pour atteindre un stio du club, Johan Lachor, qui pour l'un de ses premiers matchs avec Lens, vient marquer le but qui libère tout un peuple. Lens est champion de France, devant Metz, qui cela dit représente aussi une triste histoire d'un industriel, le bassin houillé de Rennes. En tout cas, dans les rues de Lens, les journalistes viennent écrire l'épilogue de l'histoire tant attendue. La population lensoise chavire de bonheur à travers la région du Nord-Pas-de-Calais, sinistrée par le chômage. C'est la France entière qui se reconnaît dans le succès d'une équipe aux moyens modestes. Des gens ont traversé une partie du pays pour vivre la fête à Lens. Le titre de champion de France dépasse le cadre strict du football. C'est la passion collective de toute une région qui exprime dans la victoire de Lens une revanche sociale. La ville du Pas-de-Calais va s'embraser jusqu'au bout de la nuit en attendant le retour des glorieux héros. Dans la nuit, l'équipe revient à Lens et pénètre à 3h du matin dans un stade Félix Bollaert, plein de 30 000 âmes encore bien éveillées. Le lendemain, ils sont bien plus encore dans les rues de la cité artésienne pour assister au défilé entre acteurs des héros lensois. Et plus que jamais, cette victoire est associée au souvenir des forçats de la mine. Plus que jamais, la victoire est celle des dépourvus contre les puissants. Et alors que le Racing Club de Lens rallume la lumière dans le pays noir, l'image relayée par les médias nationaux du territoire ne se départit pas d'un évident misérabilisme, quand ce n'est pas un total mépris. En 2002, un reporter de Marianne s'aventure, par exemple, dans les rues de Lens pour raconter l'histoire de la ville ressuscitée par ses exploits sportifs. eh bien, il ne peut s'empêcher d'écrire sur la laideur de la cité, les clochards qui la traversent et l'odeur rance des baraques à frites, je le cite bien sûr. Préfigurant déjà l'œuvre des supporters du Paris Saint-Germain, il estime qu'à Lens, il n'y a que football et délinquance, et il conclut « Naguère, ici on était ouvriers, aujourd'hui on est chômeurs ». Pendant ce temps, les supporters du PSG continuent de supporter ce club de riches qui achète tout ce qui passe sur le marché des stars mondiales du football, l'exact contraire de Lens, qui, faute d'argent, joue avec le cœur. Notre invité, Gervais Martel, président historique du Racing Club de Lens. Bonjour. Bonjour. Vous publiez vos mémoires intitulées « Il n'y a rien qui va mal » aux éditions En Exergue. Dites-moi, « Il n'y a rien qui va mal » est un titre optimiste et solaire. Pourquoi l'avoir choisi ? Pas solaire. Écoutez, moi j'écoute votre reportage depuis le début et je le trouve empreint, je suis désolé de vous le dire, de tristesse. Or moi j'ai 69 ans, je suis fier d'être né dans la région lensoise et je suis pas quelqu'un de triste et comme beaucoup de gens que je connais, on n'est pas des gens tristes, on assume, je dirais, notre histoire qui a été compliquée, mais très respectueuse. Et je trouve qu'à un moment donné, sans mettre tout le monde dans le même panier, il y a une certaine presse, mais vous le dites dans votre reportage, qui a souvent tiré à boulet rouge, je dirais, sur les gens du Nord. Et notamment ces espèces de crétins qui ont fait cette banderole lors de ce match de Coupe de France. Mais moi, je ressens pas aussi bien toute ma jeunesse que cette vie que je suis en train de passer dans la région lensoise, de la manière dont c'est décrit. Mmh. C'est vrai que c'était difficile, c'est vrai qu'on a eu du chômage, mais on a toujours fait face. Et aujourd'hui, ce qui fait justement la fierté, la force de cette région, c'est que dans des métiers qui étaient extrêmement compliqués, et je suis bien placé pour vous en parler, puisque mon père est mort de la silicose et descendait au fond de la mine tous les jours, et j'ai eu l'occasion de descendre et emmener mes joueurs en 90 quand on gagnait pas un match, mais même si vous voulez, au fond de la mine, où là il y avait pas, je dirais, d'ingénieurs, de porions, d'ouvriers, on était tous noirs par la force des choses, on se tutoyait tous, il y avait une ambiance entre les Polonais, entre les Italiens, entre les Maghrébins, entre les Français qui m'a frappé quand je suis descendu, j'avais 16 ans, et quand je suis remonté, j'ai compris que c'était un métier extrêmement difficile, mais j'étais fier d'être lensois, non, ça fait un amalgame sur le club, mais fier d'être un habitant du Pas-de-Calais et de Lens, et la façon dont souvent on a été décrit, évidemment, les gens qui ont écrit ça, qui ont parlé de ça, c'est des gens qui nous connaissent pas du tout. D'ailleurs, vous avez remarqué que, ce que je veux dire. Mais au contraire, bien sûr, vous avez remarqué que le récit justement épingle tous ces lieux communs. Je l'ai ressenti qu'un peu de tristesse. Et on n'est pas des tristes. On n'est pas des tristes. Au contraire. Mais non, au contraire, justement, le récit était là pour montrer que ce sont des lieux communs et qu'on peut être évidemment heureux dans cette région. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Alors, par contre, ce que vous avez raison de dire, excusez-moi de vous couper, mais c'est que c'est quand même incroyable d'avoir le général de Gaulle qui était né à Lille, d'avoir François Mitterrand qui devient président 81 et qu'on n'ait pas songé, et là moi j'ai beaucoup de reproches à faire, j'avais 25-30 ans à l'époque, qu'on n'ait pas songé à cette population extrêmement courageuse. Depuis longtemps, on savait, mon père m'avait dit en 70, malheureusement mon garçon, tu verras, les mines c'est terminé, et qu'on n'ait pas pu préparer à cette population, encore une fois, extrêmement courageuse, qui travaillait sans relâche, une solution par rapport à l'après-charbon, et ça nous a fait perdre une vingtaine d'années. Et le titre, peut-être le titre de Lens, vous l'avez bien souligné, en 98, ça a donné un rebond, une fierté qu'on avait perdue, et j'ai un peu de reproche à faire pour les gens qui étaient à l'époque au pouvoir, parce que c'est eux qui détenaient les clés pour relancer un petit peu notre région. Ah, mais ils ont fait le contraire, la désindustrialisation, ça vous a touché comme en Lorraine. Et puisqu'on parle de l'image du Nord, quel est votre regard sur l'image projetée par le film Ch'ti ? Bah écoutez, moi je trouve que l'image elle est vraie, elle est marrante, elle est tournée souvent en dérision avec des acteurs qui sont extraordinaires, mais elle est bienveillante, mais elle a marqué justement, et je pense que le fait que les ch'tis s'est attiré plusieurs millions de spectateurs, ça prouve que contrairement justement à ces clichés, ces idées reçues qu'on pouvait avoir, les gens ont adhéré, je dirais, à ce cinéma d'humour et qui a donné une autre vision qui est la réalité, parce que vous savez, quand on dit dans le Nord, quand on arrive on pleure, et c'est un peu l'image du film, et quand on part on pleure aussi, c'est exactement notre région, et moi je suis fier de l'être. Mais vous savez, j'ai vu en Italie qu'un film avait été inspiré des Ch'tis, c'est la même histoire, entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie, et je peux vous dire que c'est beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent. Oui, oui. Alors, comment devient-on président du club de foot, Racing Club de Lens, hein, qui est quand même l'un des clubs les plus connus en France, à 34 ans, 33 ans même, hein? Bah écoutez, c'est assez simple, vous avez bien résumé. André De Heulis, qui était non seulement qui a je corrigerai un petit peu, parce que c'était un passionné de foot. Il est allé voir tous les matchs des minimes jusqu'à l'équipe première, et c'était un gars exceptionnel. Puis un jour, il y a eu la démission du président en place, et moi j'étais au comité de gestion, et il m'a dit: qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pensais, vous, qu'il devait prendre la présidence, c'est pas une chose qui se refuse. Moi, à Lens, vous savez, j'y rêve depuis que je suis tout petit. Mon père m'avait emmené au match, j'avais 5 ans. Quand je jouais dans la cour de l'école avec Fares Bouzira, je le raconte dans mon livre, parmi certaines anecdotes, Fares Bouzira, qui était un grand joueur, qui a joué en équipe de France et à Lens, j'étais en 6e avec lui, il m'a dit: un jour je jouerai à Lens. Et moi je lui ai dit: moi un jour je serai ton président. On devait avoir 10-11 ans, c'est quand même extraordinaire cette anecdote. Et c'est un peu la chance, le hasard. Moi, je crois pas trop au hasard. Je crois que c'était écrit comme ça, que je pourrais avoir cette chance de diriger ce club extraordinaire. Parce que non seulement c'est un club extraordinaire, mais c'est surtout une passion autour de ce club qui est absolument phénoménale, certainement la plus forte en France et correspondant à celle du grand Saint-Étienne. Exactement. Et voilà. Moi, je fais un parallèle entre Lens et Saint-Étienne de la grande époque. Parce que ce sont des clubs comme Marseille, d'ailleurs, qui sont adossés à une histoire, à une identité locale, ce qui n'est pas le PSG, par exemple, qui n'a pas d'histoire. Donc c'est un modèle, et vous savez que la popularité de Lens, du club de Lens, dépasse largement la ville de Lens. Il y a beaucoup de supporters d'autres villes, même qui ont des clubs de foot et qui aiment Lens. Non, mais vous savez, c'est... Par exemple, je vais vous donner un scoop, il y a à peu près 5000 Lillois qui sont abonnés à Lens. Donc, alors qu'ils ont un club. Ouais, alors qu'ils ont un club, il y a des gens de Lens qui vont aussi à Lille. Non, je crois aujourd'hui, ça dépasse évidemment le cadre lensois. On avait fait une étude à un moment donné, quand j'étais président, il y a une dizaine d'années, il y avait à peu près 15% de la population lensoise qui allait au stade. Donc 15% ramené à 30 000 habitants, vous calculez vite, ça fait 4500. Ça veut dire évidemment, les gens viennent de Paris, viennent de la Côte d'Opale, viennent de partout, supporter Lens. Lens, je dirais, c'est une institution, donc ça dépasse largement le cadre sportif. Ça fait, je crois, le 25e match ou 30e match où on joue à guichet fermé à 38 000 abonnés, vous vous rendez compte? C'est incroyable, incroyable. Est-ce que vous avez organisé la communication du club, parce que tout club a besoin d'une communication, d'une identité, autour du souvenir de la mine? Ah, moi j'ai toujours privilégié le souvenir de la mine, parce que d'abord, j'en ai jamais eu honte. Et je trouve qu'à un moment donné, certaines personnes voulaient un petit peu oublier notre histoire. Mais c'est des gens débiles, ça. Il fallait les enfermer à l'époque. L'histoire, elle existe, on veut la rayer. Mais non, justement, l'histoire, elle est passée par les mines. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du titre « Les corons de Bachelet ». Ça colle très bien, bien évidemment. Et ça a été repris tout de suite par les supporters lensois par rapport à notre image. Et je crois que pourquoi aujourd'hui oublier l'histoire alors que c'est l'histoire qui fait la réalité aujourd'hui de ce qui se passe? Non, bien au contraire. Alors cette banderole du PSG, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, bon, vous l'avez mal vécu, j'imagine, c'est quoi vos souvenirs de ça? Ah, je l'ai mal vécu, puis en plus on s'est fait taper par les Parisiens, donc ça a été double peine sur un pénalty contestable que seul l'arbitre a vu, quoi, dans ce match. Mais bon, après c'était la banderole. Alors, la banderole, ça nous a coûté cher, je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'évidemment tout le monde a parlé de la banderole, on a été reçu par le président Sarkozy, le maire de Lens à l'époque en a fait des tonnes, certainement à juste titre, mais pendant ce temps-là on avait 3 matchs de retard. Et moi, je disais à tout le monde, faut qu'on se concentre sur les matchs de retard parce que on peut descendre. Et ça n'a pas manqué, quoi. Ça a été une année terrible. On perd cette finale, on a cette banderole et on descend la même année en seconde division avec une équipe extrêmement forte sur le papier. J'en ai pensé que c'était, s'ils se sont trouvés malins, les 5 qui ont été d'ailleurs condamnés, bah, écoutez, je leur souhaite bien du plaisir sur la vie. J'espère qu'ils vivent encore. Mais s'ils amusent leurs voisins avec des conneries pareilles, c'est quand même triste de voir des gens qui ont eu cette idée-là de génie pour pouvoir profiter d'un film qui était sorti et rappeler. Parce que vous savez, la région en soi, évidemment qu'il y a eu des histoires, il y a eu des événements, mais il y en a partout. Hein. Moi, je peux vous emmener dans des coins à Paris que vous connaissez encore mieux que moi, où c'est pas les Champs-Élysées. Donc, chaque région peut avoir ses difficultés à un moment donné. Et surfer sur les difficultés des gens, j'ai trouvé ça profondément dégueulasse. Jérôme Martel, pour les 6 minutes qu'il nous reste, on parle foot? Hein, vous êtes huitième. Vous êtes huitième du championnat au moment où nous parlons. Bon, il y a eu la défaite à la maison devant le PSG lors du dernier match. C'est quoi vos ambitions pour cette saison-là, pour décrocher une place en Coupe d'Europe en C1 ou en C2? Ça paraît un peu court, mais bon, c'est quoi vos ambitions? C'est pas impossible, hein? C'est pas impossible. Il reste encore beaucoup de matchs. Il reste aussi surtout un match de Coupe d'Europe, d'Europa League à jouer, qui va être intéressant à jouer contre un club allemand qui est pas mauvais, hein, qui est Fribourg, qui joue pas mal dans la Bundesliga. Non, il y a encore affaire à court. On a eu malheureusement une défaite au pénalty en Coupe de France contre Monaco, qui me reste encore un peu en travers de la gorge. Et puis cette défaite contre Paris, bon, elle est pas illogique, même si on a un pénalty au bout de 5 minutes, qui aurait pu certainement changer le match. Bon, on peut pas refaire l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais donc, on reste en place. On a une bonne équipe et je pense qu'on va monter en puissance dans la dernière partie du championnat. Alors, puisque je vous tiens, si j'ose dire, concernant l'organisation d'un club de football, il y a une hiérarchie, il y a un président, il y a un entraîneur et puis un directeur sportif. Alors, moi, j'ai jamais bien compris la différence profonde entre l'entraîneur et le directeur sportif. Comment ça se passe chez vous, l'organisation de ce club? Ah, c'est simple, si vous voulez, l'entraîneur, il a plus un rôle terrain. À Lens, c'est pas pareil parce que l'entraîneur est manager, donc c'est Francaise. Donc ça veut dire qu'il a aussi grandement son mot à dire sur l'équilibre de l'équipe, sur les recrutements, etc. Puis après on a des directeurs sportifs. On en a eu un il y a 2 ans. Maintenant on a plutôt un conseiller auprès du président, etc. qui travaille avec le directeur général. Mais c'est bien organisé, vous savez, parce que il y a une partie qui est une partie de recrutement, et pour recruter, c'est pas la même personne qui peut tout faire. On est obligé maintenant de suivre énormément de matchs, d'avoir des scouts qui regardent tous les matchs qui se disputent dans le monde. C'est une organisation phénoménale. Puis derrière, on a des gens qui choisissent, notamment l'entraîneur qui lui utilise évidemment tous les joueurs tout au long de la saison. Mais maintenant, c'est des organisations qui sont presque type dans tous les clubs dans le monde. Est-ce que ça vous inquiète le fait qu'on joue de plus en plus de matchs pour faire de plus en plus de recettes et qui génère de plus en plus de blessures? Et ça, c'est un fléau pour une équipe. Ouais, c'est un fléau et je crois qu'à un moment donné, on va être obligé de se réveiller, quoi. Parce que si on continue, maintenant, il y a le président de la FIFA qui a une super grande idée de faire d'organiser le championnat du monde. Il veut faire une Coupe du Monde des clubs. Là, on est en train de jouer des matchs de Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Écoutez, moi, je m'en fous, mais tout le monde s'en fout, quoi. même si on peut regarder pour voir jouer le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, enfin bref. On va les revoir jouer d'ailleurs vendredi dans leur championnat, dans le championnat d'Espagne. Il y a trop de matchs. Il y a des matchs internationaux maintenant où ça coupe pendant une dizaine de jours les championnats. En France, on a réduit à 18 pour diminuer un peu le nombre de matchs. Mais il reste beaucoup trop de matchs. La Champions League se joue par poule. Tant mieux parce que ça donne un peu plus de spectacle, mais ça suffit, quoi. Ouais. Et un jour ou l'autre, on va avoir beaucoup trop de blessés. Bien sûr. Après, on est obligé d'avoir des effectifs pas possibles avec des joueurs qui jouent pas. On ne donne plus la chance aux jeunes. Enfin, il y a quand même des points que je trouve négatifs dans le football moderne. Alors, moi, je parle pas comme un vieux con. Je pense que je suis pas encore devenu vieux con, mais ça ne saurait tarder. Mais je constate quand même que ça a évolué quand même de manière dangereuse, parce qu'encore une fois, c'est du business et c'est l'attrait de l'argent. Ce sera le mot de la fin, Gervé Martel. Je précise quand même que les ventes de votre livre seront au profit de la chance aux enfants. Objectif Exactement. Paris 2024. Hein. Ça, 15 000 ça permet, enfants voilà. qu'on va emmener des Hauts-de-France aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Parfait. Merci infiniment. Merci beaucoup de votre invitation. Au revoir.